caresses sont laissées de traces. Sont-ils faits de bois ou de glace? Comme un nuage que l'on croit tenir, un soir ils peuvent s'évanouir. Ce sont des changer. On fait ce qu'on n'aurait jamais cru faire. Touche-t-on le ciel ou l'enfer? Ce sont des